Chapitre 9e. Le lendemain, l'aréole allait et venait dans son appartement, mettant des fleurs dans les vases irisés, plaçant à son jour le tableau posé sur un chevalet, tapotant les coussins de pluche et disposant bien en évidence les petits cadres contenant des photographies de femmes. L'appartement de l'aréole serait fort joli, sans l'encombrement exagéré de bibelots, d'étoffes et de tableaux entassés pêle-mêle, qui lui donne un peu l'aspect d'un magasin de bric-à-brac. Partout des tableaux et des statuettes de prix. Sur la cheminée, une admirable pendule Louis XVI en sèvres bleu turquoise, formant vases de fleurs et deux coupes de même nuance, mais d'une autre époque. Puis ça et là, un éléphant d'ivoire japonais ancien, un écran Louis XIV à vieille tapisserie effacée où, sur un fond mélangé d'or, se détachent en teintes plates des figures naïves. Un fauteuil Louis XIII en cuir de cordoue, une collection de groupes et d'animaux de Saxe et des plats anciens. Beaucoup de toiles d'artistes connues ou en passe de lettres. L'aréole a toujours flairé les gloires à naître et a su se faire offrir une pochade ou un petit tableau qu'il ne se gêne nullement pour vendre lorsque l'objet en question a acquis une valeur artistique ou marchande. Quand ses ressources habituelles lui font pour un instant défaut et que la bourse et le jeu ne vont pas fort, il négocie un bibelot quelconque. Tous les commissaires-priseurs connaissent bien le marquis de l'aréole et s'étonnent qu'il possède encore tant de belles choses, car ils l'ont toujours vu vendre et jamais acheté. C'est que tous les objets d'art, étoffes anciennes, statuettes et bijoux qui remplissent l'appartement sont des souvenirs offerts au séduisant marquis par des amis d'un jour. C'est une nymphe de Clodion lutinant un faune velu, un splendide brocart tissé d'argent, une peau d'ours blanc à griffes d'onyx, un déjeuner de vermeil sur lequel se détache en relief le chiffre de l'aréole, amoureusement enlacé d'un autre chiffre, une chaise de satin feuille de rose, brodé au passé par une main droite, apparemment Louis XVI, des éventails anciens, en vernis martin et en soie peinte et brodée, un éventail signé le Loir, dans un cadre de pluche, des bottes et des tabatières en or, en émail, en écailles blondes ornées de perles, un tympanon incrusté de nacre, puis, dans une grande vitrine hollandaise, une quantité de bijoux, porte-bonheur, colliers de perles, bagues et épingles de toutes sortes, boutons de chemise et de manchettes, en perles roses, noires et blanches, en lapis et en œil de chat. L'aréole possède certainement plus de bijoux que la plupart des femmes. C'est ce qu'il préfère et, quoique trop vraiment élégant et correct pour en porter, il ne se sépare jamais de ses chers souvenirs sans un douloureux serrement de cœur. La chambre à coucher est tendue de satin noir. Le marquis affirme que cela sied à tous les types. Noir aussi est le cabinet de toilette. Le pavé, la table et la baignoire sont en marbre noir. Le reste tout en glace. La pièce est éclairée du plafond par un grand carreau voilé de gaze rosée. Sur la toilette, cuvette et garniture d'argent, aux armes du marquis. Sur une mignonne table de cloisonné, un nécessaire. Chaque pièce est en or, également marquée aux armes. Près de ce nécessaire, un jeu de brosse en écaille blonde à chiffre d'or. On ne croirait pas à coup sûr être chez un homme, encore moins chez un décavé. L'aréole se demande ce que peut vouloir Fanny, et quoique blasé et indifférent aux bonnes fortunes improductives, sa fatuité l'engage à se préserver à tout. Il a donné congé à son valet de chambre et lorsque Fanny sonne, c'est lui qui va ouvrir. « Comment, vous-même » dit-elle étonnée. « J'ai cru comprendre à votre air mystérieux d'hier que vous désiriez n'être pas dérangé. »« Comment l'entendez-vous ? Comme vous voudrez. »« J'attends de vous un service. »« Je regrette que vous n'en attendiez que ça. »« Inutile de m'arribauder. Ce que j'ai à vous dire est sérieux. »« Pas possible. »« Voulez-vous rentrer au moins ?» Et l'aréole, relevant la draperie qui masquait la porte, fit entrer Fanny dans le salon. « Ah ! S'écria-t-elle, c'est joli chez vous !» Quelques modestes bibelots. Déjà, Fanny Keyes avait d'un rapide coup d'œil inspecté les moindres recoins. « Modeste ? » répondit-elle. « Ce n'est pas comme les bijoux, alors. Peste !» Vous possédez là une jolie collection de souvenirs. Tout ça. Ôtez donc votre manteau. Non, merci. Vous avez vraiment de très jolies choses. Vous êtes indulgente. Voyons, débarrassez-vous de ce manteau et de ce chapeau qui vous cachent. » Et l'aréole voulut détacher la grappe de la pelisse de loutre qui enveloppait Fanny. Elle le repoussa. « Laissez donc. Votre insistance est inconvenante, mon cher. Ah ça, que croyez-vous donc que je viens faire chez vous ? Je l'ignore. Je vais vous le dire. Depuis quelque temps, M. Moret est préoccupé, distrait. La bourse est mauvaise. Il ne s'agit pas de la bourse, mais de... Oh, la jolie personne !» Et Fanny Keyes, prenant un cadre d'émail posé sur la petite table près de laquelle elle était assise, examina attentivement la photographie qui s'y trouvait. « N'est-ce pas ? » répondit l'aréole avec un embarras affecté. « C'est une cousine. »« Ah, tous mes compliments. Elle est adorable, votre cousine. »« Qu'est-ce que je disais ? » ?»« J'y suis. »« Eh bien non, la bourse n'est pour rien dans les préoccupations de M. Moret. » Il a une maîtresse. Allons donc, quand c'est vous qui hier encore... Oh, il me garde, jusqu'à nouvel ordre. Mais je vois clairement ce qui se passe. Il est fou de vous. Fanny haussa les épaules. Mon pauvre Laréole, inutile de dire des bêtises entre nous. Vous savez fort bien que M. Moret n'est pas du tout fou de moi. Cependant, il m'entoure d'un luxe royal. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça prouve? Que Moret, vaniteux comme un paon, tiens à avoir la maîtresse, la maison, les domestiques et les équipages les mieux tenus et les plus chics de Paris. Vous voyez que je constate sans fausse modestie la seule valeur que j'ai à ses yeux. Il me conserve beaucoup par vanité et par pose, un peu par habitude, mais nullement par amour. Comme je vous le disais, il ne m'aime pas, et je crois même que jusqu'à aujourd'hui, il n'avait aimé personne. Et aujourd'hui, il est amoureux d'une femme de son monde. « Vous rêvez !» dit l'aréole, convaincu que M. Moret n'avait pas d'autre maîtresse que Fanny. Et il ajouta, moitié narquois, moitié galant, « Il n'y a pas dans notre monde de femmes qui puissent vous faire oublier. »« Oh, je vous en prie, pas de banalité !» reprit Fanny, agacée. « Je sais ce que je dis. »« Mon Dieu, il est possible que Moret ait quelques caprices, quelques passagères fantaisies. Je vous parle au contraire d'une passion sérieuse. » Moret est ou va être l'amant de Mademoiselle Ledru. De Mademoiselle Ledru ? S'écria l'aréole saisie. Mais vous êtes folle ! Que Geneviève Ledru eût un amant, cela surprenait le marquis moins que tout autre, mais il était stupéfait et mécontent de ne s'être douté de rien. Il reprit. Mademoiselle Ledru, mais vous ne l'avez donc jamais regardée ? Que si, une tête d'ange, n'est-ce pas ? Des bandeaux plats et une bouche sévère. « Malheureusement, je n'y crois pas, moi, à ces anges-là. Mais enfin, quelle preuve ? Aucune. Néanmoins, je suis sûr qu'elle est la maîtresse de M. Moret. » L'aréole réfléchissait. « Admettons que cela soit, » dit-il après un silence. « Qui puis-je faire, moi ? Voici. Il y a ce soir une fête chez les Ledru. Oui, un bal costumé. C'est bien ça. M. Moret, qui devait m'accompagner aux Italiens, tient absolument à conserver sa liberté. Hier, il s'est brusquement dégagé en me disant qu'aujourd'hui, il ne sera pas libre. Il est évident qu'il ne veut pas manquer un instant à cette fête. C'est possible. C'est certain. Et voici ce que je vous demande. Vous allez chez les Ledru, oui. Eh bien, vous surveillerez M. Moret et Mademoiselle Ledru et vous me rendrez un compte fidèle de ce qui se passera. Sans me ménager, la vérité absolue. Est-ce entendu ? De la police, alors. Rien que ça. Préfet de la police secrète de Fanny Keyes. Sans attribution nettement définie et sans émolument fixé. Quel avantage trouverais-je à cette ingénieuse combinaison ? Puis-je, oui ou non, compter sur vous ? Comme ça, tout de suite, sans avoir le temps de se recueillir ? Savez-vous que c'est tout bonnement une petite infamie que vous me demandez là ? Comment ? J'irai espionner dans une maison amie, un de mes amis, car enfin je suis très lié avec Paul Moret. Alors vous refusez ? Non, mais encore faut-il que je me tâte. Ça en vaut vraiment la peine. Il est si important que je sache à quoi m'en tenir. Voyons, l'aréole, supplia Fanny. Faites ça pour moi, voulez-vous ? Et si je le fais ? Eh bien, vous n'aurez pas obligé une ingrate, je vous le promets. dites donc, c'est émaillé de jolies femmes chez vous, une vraie galerie. » Et tout en arpentant le salon, Fanny regardait les photographies bien mises en lumière. Quelques cadres étaient drapés d'étoffes chatoyantes, d'autres se détachaient devant des bouquets de fleurs. « Si vous vouliez figurer dans la galerie, vous en seriez la reine, » dit courtoisement l'aréole. Elle répondit en riant, « Ma foi non, c'est trop compromettant. Au revoir, je compte sur vous. Je n'ai rien promis. Vous tiendrez d'autant mieux. À demain. Dans tous les cas, je vous attendrai. Dans tous les cas, vous entendez bien. » Après le départ de Fanny, le marquis resta longtemps songeur. Elle devait avoir raison. Depuis quelque temps, en effet, Paul Moret était toujours fourré chez les Ledru, montait à cheval avec eux, les accompagnait au théâtre et semblait s'occuper beaucoup de Geneviève. Quelle étrange fille que cette Geneviève! Même dans ce milieu vicieux et corrompu, elle est une exception, exception d'autant plus monstrueuse qu'elle s'abrite sous les dehors de la vertu. Loin d'adopter les allures libres des femmes qu'elle fréquente, elle affecte au contraire une excessive retenue, et tout le monde a d'elle l'idée exprimée par Lagardy, c'est une fleur poussée sur un fumier. Malheureusement, la vue du fumier éloigne les parties acceptables. On admire la belle Geneviève, on la plaint, mais on ne l'épouse pas. Or, l'aréole avait, l'année précédente, été son amant. Non par passion ou par entraînement, bien qu'elle fût assez charmante pour expliquer toutes les folies, mais parce qu'il avait flairé là une affaire plus sûre et surtout plus agréable à conclure que les autres. Le père Ledru donnait, disait-on, 3 millions de dots à Geneviève. Il avait, pour ce prix élevé, le droit de se montrer exigeant. Et l'aréole se rendait compte qu'il ne pouvait vraiment pas être l'objectif d'un père de famille soucieux du bonheur de sa fille. Donc, s'il demandait la main de la petite Ledru, il était sûr de se la faire refuser séance tenante. Mieux valait procéder en rendant d'abord le mariage indispensable, et le marquis voyait qu'il n'aurait pas de peine à atteindre ce but. Geneviève Ledru, entendant parler sans ménagement devant elle des bonnes fortunes et des aventures célèbres de l'aréole, avait commencé par l'examiner avec une profonde curiosité. Bientôt sa beauté de mauvais aloi, son charme câlin, son vice aimable avaient fasciné la jeune fille. Prodigieusement flattée de voir ce grand mondain, si adoré de toutes les femmes, uniquement occupé d'elle, elle s'était abandonnée peu à peu, sans même se douter du danger qu'elle courait, et lorsqu'enfin elle comprit que le marquis, dédaignant son argent, ne voulait que sa personne, son orgueil se trouva satisfait. Non qu'elle fût touchée de cet amour, qu'elle croyait désintéressé, mais parce que sa vanité de parvenue, jointe à une absence totale de sens moral, la portait à se réjouir d'avoir conquis à première vue l'homme le plus aimé du Paris élégant. Geneviève Ledru ressemble au physique à sa mère, une ravissante anglaise, aussi glaciale que jolie, morte depuis quelques années, que Ledru avait épousée on ne sait trop comment, pendant le voyage qui suivit la vente forcée de son étude. Moralement, la jeune fille est le portrait de son père. Calculatrice, sans cœur, ne connaissant aucun frein, froidement coquette, bassement sensuelle et par-dessus tout hypocrite, elle cache son penchant instinctif au vice sous des dehors austères et une apparence virginale, ce qui fait que, n'était la situation douteuse de M. Ledru, toutes les mères souhaiteraient Mademoiselle Geneviève pour femme à leur fils et pour amie à leur fille, auquel elle se contente de la citer comme un modèle de tenue et de grâce modeste. Dire que Geneviève Ledru aima l'aréole serait inexact, elle n'aime rien. Mais à défaut d'amour, elle éprouva pour lui une admiration sans borne qui ne cessa que le jour où il offrit de réparer. Ce jour-là, furieuse de voir qu'il s'était joué d'elle, la jeune fille refusa formellement de devenir marquise. Devinant quel rôle ingrat lui serait réservé dans l'avenir, elle congédia l'aréole désappointée et depuis lors, il eut beau chercher à découvrir dans sa vie quelque nouvelle aventure qui la mit à sa merci, suivre, espionner, être sans cesse à l'affût, questionner adroitement les uns et les autres, il ne trouva rien. Il est ravi de connaître cette liaison et il se dit qu'elle aurait dû lui sauter aux yeux. Certes, oui, il remplira la mission dont il est chargé, et elle sera bien remplie, car ce n'est pas seulement pour Fanny qu'il va travailler ce soir, mais aussi pour lui. Marchant de long en large dans le salon, il dresse son plan. S'il pouvait avoir une preuve, une vraie preuve, lui donnant part sur eux, alors, peut-être, la belle Geneviève céderait à ses prières par crainte du scandale. D'ailleurs, elle a beau dire, il la tient encore un peu, grâce aux lettres qu'elle lui a écrites dans un instant d'emportement, et qu'il peut produire si tel est son bon plaisir, elle épouserait difficilement un autre que lui. Ah, ces lettres, comme elle les regrette. Elle ne ferait plus aujourd'hui de ces fautes-là. Il l'a dressée. Du diable s'il se doutait qu'il travaillait pour ce nigaud de Moret, par exemple. Quel être bizarre que la femme. En quoi Moret peut-il séduire celle-là? Elle est trop intelligente pour ne pas s'apercevoir qu'il n'est qu'un sot. N'importe, il veut savoir. Hier encore, le père Ledru lui a répété qu'il désirait que quelques-uns de ses invités fussent masqués, ou du moins méconnaissables, afin d'égayer un peu son bal. Les fêtes d'Arsène Oussa, il l'empêche de dormir. Eh bien, il passera rue de Presbourg un quart d'heure incognito, après quoi il rentrera tout simplement en habit. Personne ne soupçonnera sa première apparition et il apprendra peut-être la vérité. Et Josette, s'il pouvait aussi se venger d'elle, mais vraiment cette fois? Le marquis se répète que dans tous les cas, le plus pressé est d'arriver à un bon mariage afin de sortir de la situation fâcheuse où il se trouve. Beaucoup de gens commencent à lui faire grise mine. Les bruits qui courent sur son compte s'accentuent. Son crédit s'use. Il faut à tout prix se tirer de ce mauvais pas. Et l'aréole, se regardant tristement dans la glace, constate avec chagrin qu'il jouit de ses derniers beaux jours.